Mosaïque. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, où que vous nous suivez de par le monde, et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique Chubahiro est à l'animation. Parmi les adhérents aux partis politiques, il y a les jeunes, plus majoritaires. Dans la plupart des partis politiques, ces jeunes sont souvent minoritaires dans des organes de prise de décision. Une situation qui n'enchante pas ces jeunes. Dans certains partis politiques, on parle même de conflits de génération. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la place des jeunes dans ces partis politiques et le rôle qu'ils devraient jouer au sein de ces mêmes partis. Pour en parler, nous sommes avec quatre invités. Nous accueillons M. Eraste Nzosaba, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque d'aujourd'hui. Merci et bonjour. Nous accueillons également Deogracias Nahumuremi, jeune membre de la coalition Ami Zéro. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous accueillons également mademoiselle Aline Ninahazwe, qui nous vient du réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement, REJA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. Nous sommes aussi avec ambassadeur Denis Bashimiyubusa, doctorant en sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de votre invitation. Mosaïque d'aujourd'hui a été préparée en collaboration avec l'Association des femmes journalistes du Burundi, AFJO, en partenariat avec l'ONG Cordaid. À la réalisation, Francine Ndokugayo, Albert Ndouayo assure la technique. Pacifique Chubahiro au micro. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, Eraste, au niveau du Conseil national de la jeunesse du Burundi, comment appréciez-vous la place des jeunes au sein des partis politiques? Et comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse est un organe qui encadre toute la jeunesse burundaise. Donc nous sommes fiers lorsque nous observons des jeunes qui sont dans des partis politiques, qui militent dans les partis politiques, parce que c'est par là qu'on pourra avoir des places comme quoi s'intégrer dans les sphères de prise de décision. Donc, de notre côté, nous apprécions le pas franchi par les jeunes dans les sphères de prise de décision. Qu'est-ce que vous avancez comme argument par rapport à cette appréciation? Les arguments sont multiples. Il y a des jeunes qui sont dans les sphères de prise de décision. Il y en a autant. Je ne peux pas les citer immédiatement, mais il y en a. Je sais, vous aussi, les journalistes, vous savez qu'il y a des jeunes qui sont dans les sphères de prise de décision, qui occupent même des places vraiment considérables. Deogracias Nahumuremi, maintenant vous faites partie de la coalition Ami Zéro. Comment appréciez-vous la place des jeunes dans votre coalition? Je ne dirais pas que je suis satisfait, mais de toutes les façons, il y a un pas déjà franchi quant à la participation aux partis politiques. Il y a deux éléments que je voudrais partager avec vous qui donnent le droit aux jeunes de participer activement aux partis politiques. Sur le plan international, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 21, et qui dit que toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Or, pour justement accéder à ces fonctions publiques, il faut être militant d'un parti politique. Sur le plan régional, nous avons la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en son article 31. Donc, nous avons tout jeune a le droit de participer librement aux activités de la société. Et c'est la même chose que précédemment. Mais nous avons le cadre légal burundais qui constitue un obstacle quant à la participation des jeunes à la politique ou aux partis politiques. Il y a des limites quant à l'occupation des postes de nomination, des postes d'élection. Un exemple, le plus éloquent, se trouve justement dans le code électoral burundais, en son article 94C, qui dit que, il limite les jeunes de moins de 35 ans révolus au moment de l'élection pour devenir président de la République du Burundi. Là, vous constatez que c'est justement un obstacle quant à la place qu'occuperait la jeunesse dans des partis politiques. Pensez-vous que si, par exemple, on changeait cet article, que du coup, par coup de fouet, les jeunes pourront aspirer ou avoir une place prépondérante au niveau de la vie politique au Burundi? Je pense que d'emblée, il est difficile de faire ceci et cela, puisque bon, il y a un cadre qui s'occupe des textes légaux, des textes réglementaires, mais on va continuer à plaider à ce que les choses changent. À l'interne, pensez-vous que dans votre parti, dans votre coalition, on accorde une place de choix aux jeunes? Oui, effectivement, mais ici je me garde de tout commentaire, puisque bon, je répondrai mieux à ces questions lorsque notre formation politique accédera au pouvoir. Là, si je doute, il faudra m'appeler et je vais vous donner d'amples précisions. Mademoiselle Aline Inahazwe, au niveau d'Oreja, aujourd'hui, quel est votre constat? Pensez-vous que les jeunes occupent leur place dans leur parti politique? Au sein du Réja, normalement, le Réja est fait par des organisations membres. Et parmi les organisations membres du Réja, il y a les jeunes. Et pour nous, ce qui nous intéresse, parce que nous travaillons sur les jeunes, ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse. Et la jeunesse a le droit de participer dans les partis politiques. Même les bénéficiaires sont des jeunes, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui peuvent être affiliés dans des différents partis politiques. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse, pour que la jeunesse puisse bien œuvrer pour le développement du pays, pour que la jeunesse puisse bien se mettre ensemble pour assurer le développement, pour travailler dans et promouvoir le développement du pays. C'est-à-dire, au sein du Réja, on accueille les jeunes, on travaille avec les jeunes. Oui, on peut regarder, on peut voir les jeunes qui sont affiliés aux différents partis politiques et qui se disent qu'ils ne voient pas, par exemple, les choses de la même façon. Mais pour nous, nous sommes là pour les rassembler et pour leur parler, pour leur montrer que s'ils collaborent, c'est une très bonne chose, c'est la richesse pour notre pays. Mais quels sont les défis auxquels ils font face lorsque vous vous entretenez avec ces jeunes lors de différentes activités au niveau d'origine? Et pour commencer, par exemple, s'il y a une activité qui est organisée et que les différents partis politiques, les jeunes liés aux différents partis politiques sont présents, il peut y avoir, je dirais bien, le manque de confiance quand on commence à travailler. Mais au sein du Réja, pour les rassembler, il y a les différentes formations qu'on organise pour eux. On organise les formations, par exemple, sur le leadership, sur la résolution pacifique des conflits, sur la communication non violente. Et aussi, une très bonne chose, c'est que ces jeunes se rassemblent pour faire le travail, je dirais bien, de développement. C'est-à-dire, les jeunes, ils se rassemblent dans des associations, des groupements de solidarité où ils épargnent et ils se donnent des crédits. Pour là, ils voient qu'ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, s'ils ont les mêmes problèmes, ils essaient de résoudre les mêmes problèmes qu'ils ont. C'est-à-dire, par exemple, ils ont les problèmes de pauvreté, chômage. Et on les montre qu'ensemble, leurs problèmes peuvent être résolu. Finalement, un jeune Burundais qui s'engage dans la politique, il a toujours les mêmes problèmes qu'un jeune qui ne fait pas partie de la politique ou qui ne s'y intéresse pas. Normalement, les jeunes, s'il fait partie du parti politique ou non, ils ont les mêmes problèmes parce que vous pouvez même voir avec les études qui ont été faites, c'est-à-dire le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, donc c'est un degré plus élevé. Alors là, ceux qui sont des chômeurs, ce sont et les jeunes du parti politique et les jeunes qui ne font pas partie des partis politiques. C'est pour cela que pour nous, on leur montre que étant jeunes et vivant au Burundi, c'est on a tout et ce sont des acteurs. S'ils veulent, ils peuvent investir dans le développement et ils peuvent s'ouvrir et ils peuvent respecter les autres dans leurs différences pour construire le pays, pour développer le pays, pour adopter des comportements qui peuvent aider l'autre à travailler pour le développement de son pays. Ambassadeur Denis Bachimius, souvent on parle de notions très simples mais difficiles à comprendre. Quand on parle déjà de place et rôle d'une catégorie de gens, notamment les jeunes, qu'est-ce que l'on peut comprendre au niveau des partis politiques? Juste pour dire à mon confrère que pour parler ou accorder une place. Adeo gracias na umuremi. Exactement. Damisero. Damisero ya Barundi. Pour parler de la place de la jeunesse au sein d'un parti politique, il ne faut pas nécessairement être au pouvoir. Même une coalition de l'opposition doit accorder une place à la jeunesse au sein de ses activités. Voilà, c'était une parenthèse. Alors, on parle de place et on parle de rôle. Pour pouvoir exercer son rôle, il faut avoir une place. D'abord, il faut que la jeunesse et sa place au sein des partis politiques ou des formations politiques. Pourquoi ? Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que la jeunesse est presque absorbée par la place de ses aînés politiques. C'est-à-dire, elle est soumise aux ordres et à la volonté des aînés politiques. Donc, la place n'est pas convenable, n'est pas de choix, et de ce fait, le rôle de la jeunesse au sein des partis politiques devient lui aussi non considérable. Pourquoi ? Dans les mentalités burundaises, nous savons que celui qui est jeune est toujours soumis à son aîné. Et au sein des partis politiques, c'est la même chose. Nous avons les aînés politiques qui essayent de contrôler et de canaliser la jeunesse affiliée au sein des partis politiques. De ce fait, à partir de son rôle qui n'est pas bien développé pour la jeunesse au sein des partis politiques, nous avons même les intérêts de cette jeunesse qui ne sont pas représentés et au sein des partis politiques et au sein et au niveau national. Nous avons, comme le disait mademoiselle, nous avons le chômage des jeunes qui galopent. Nous avons les jeunes qui essayent de courir derrière leurs aînés pour avoir des postes, pour avoir des moyens financiers, pour avoir les moyens de subsistance, mais qui parfois n'y arrivent pas et qui succombent à cette tentation et qui est mal utilisée par les aînés politiques. Donc, nous avons une place qui n'est pas de choix pour la jeunesse au sein des partis politiques. Et par conséquent, son rôle, le rôle de la jeunesse au sein des partis politiques n'est pas non plus à considérer. Est-ce que vraiment les jeunes, pour eux-mêmes, ils sentent qu'ils ont ce devoir de militer pour leur cause et que leurs aînés ne seront pas les premiers à pouvoir se préoccuper de leur cas? Parfois, les jeunes sentent ce besoin, sentent ce problème. Mais ils se heurtent à un mur parce que si un jeune veut militer au sein d'un parti politique, c'est-à-dire se montrer actif, il y a son aîné politique, son parrain politique qui lui dit « Vas-y doucement, il ne faut pas dépasser ton aîné ». Et de cette manière, c'est ce que j'ai constaté lors de certains séminaires que nous avons eus, et les jeunes se trouvent face à son mur devenu infranchissable. Parce que qui dit militer et devenir visible dit qu'un jour, on sera sur une liste électorale. Or, ce sont les aînés qui se placent d'abord devant et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre de concurrent du moment que leurs places ne sont... du moment qu'eux-mêmes ne sont pas satisfaits avec les places électorales. Eraste, partagez-vous les mêmes avis par rapport à l'ambassadeur Denis Machimiyous lorsqu'on dit que deux fois, non seulement c'est difficile et que les aînés vous laissent une place de choix, mais également que les jeunes, des fois, oublient leur mission dans les partis politiques. Tout d'abord, c'est bien que les jeunes militent. C'est bien que les jeunes militent dans les partis politiques. Et c'est très important parce qu'ils suivent l'idéologie donc, du parti politique dans lequel il est inscrit. D'un autre côté, il est question, bien sûr, de voir, lorsqu'on est en train de faire les listes, comme il vient de le dire, quelle est la place de la jeunesse. Donc pour ça, ça va permettre à la jeunesse d'être beaucoup plus active. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est pas dans les listes qu'on doit courir derrière. Il y a aussi d'autres places. On a parlé des fonctions publiques. Il y a autant de places là-dedans. L'important, ce que nous disons, c'est quoi? Il faut que la jeunesse ait une place visible, une place prépondérante dans les sphères de prise de décision. Donc, mais qu'est-ce qui vous manque? Parce que si on essaie de voir la configuration démographique du Burundi, ce sont ces jeunes qui occupent des fonctions, notamment des cadres, parce qu'ils sont justement dans cette tranche de 30-35 ans. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que ces jeunes ne peuvent pas se coaliser pour entendre de la même façon et mettre en avant les intérêts des jeunes? On a parlé de la question de nos pères. Donc, de nos aînés. Moi, je parle qu'il faut au moins une volonté politique de nos aînés, une volonté qui, premièrement, permettra à la jeunesse de bien s'installer dans les partis politiques. Cela, je dis quoi? Il faut que les responsables des partis politiques, je dirais, arrivent à mettre en place donc une politique qui aide les jeunes militants à accéder au poste de prise de décision. Il y a quelqu'un qui a dit le jour où j'arriverai... Mais s'ils ne le font pas, vous les jeunes, je pense que vous avez cette responsabilité de les pousser à le faire. Oui. Et pour qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Premièrement, je dis une chose. Je parle de la volonté de nos aînés. Il y a quelqu'un qui a dit le jour où j'accéderai au pouvoir, où notre parti accédera au pouvoir, on va faire ceci et cela. Nous allons nous occuper de la jeunesse comme ça et comme cela. Il faut d'abord oser partager le peu qu'on a. Il faut oser partager. Si on a, bien sûr, nos fils que 5 places, est-ce que parmi les 5 places, il y a combien de jeunes? C'est ça alors ce que j'ai dit. La volonté de nos aînés de pouvoir partager le paix que nous avons. Et pour les jeunes? Pour les jeunes, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de travailler, bien sûr. Premièrement, nos forces ne résident pas. Lorsque on milite dans le parti politique, il y a l'idéologie du parti politique. On doit suivre l'idéologie. Si nous n'arrivons pas à accéder à une telle place, nous espérons que demain... nous allons y arriver. L'important, c'est de travailler. L'important, c'est de comprendre la question. L'important, c'est de voir la jeunesse unie. Donc, pour que toute la jeunesse puisse travailler au niveau du CNJ, profit du développement du gouvernement. Au niveau du CNJB, est-ce qu'il y aurait un plan pour justement aider ces jeunes pour avoir une place dans leur parti et jouer pleinement leur rôle? Oui, nous avons ce plan. Nous avons même un projet. Mm-hmm. Nous allons voir même comment... Et nous pouvons rejoindre la commission de la CENI pour l'élaboration du code électoral. On va voir si nous allons arriver à notre objectif. Attendons voir. Il y a l'ambassadeur Denis Machim Moussa qui voudrait réagir par rapport à vos propos. Oui, en rapport avec la place des jeunes au sein des partis politiques. Mais ça se mesure comment? Il suffit de voir le nombre, par exemple, de jeunes au sein des instances dirigeantes des partis politiques, présidence du parti, vice-présidence du parti, secrétariat général, les différents commissariats. Où est-ce qu'on trouve des jeunes et dans combien de partis? C'est vraiment très rare. Ils peuvent être peu, mais d'une grande qualité. Non, selon le fonctionnement d'un parti politique, ces instances ne sont pas là pour faire des yeux doux. Ils sont là pour travailler d'abord pour les intérêts de ceux qui les occupent. C'est comme ça, c'est cruel. Au sein des partis politiques, il n'y a pas que des amis. Il y a aussi des rivalités. Donc, si vous êtes absent dans les instances de décision, de prise de décision, là, c'est difficile d'affronter une bataille et la gagner. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, au niveau des lois, comme le disait mon collègue invité ici, mais si on dit par exemple au niveau des Hutus et des Tutsis, sur les listes électorales, pour 3 candidats, il doit y avoir au moins un qui n'est pas de même ethnie. Donc sur 3, 2 peuvent partager la même ethnie et un troisième de l'autre ethnie. Sur 4, une doit être une femme. Et combien pour avoir un jeune? Mais si Eras... Il n'y a personne. Si Eras dit qu'au niveau de la CNJB, on prône à ce que les dirigeants des partis politiques fassent une politique claire pour intégrer les jeunes pour ces instances, est-ce que ce n'est pas perdre une bataille directement? Il doit y avoir deux côtés. Il y a la volonté politique des aînés, comme il l'a dit. Ça, c'est vrai. Il faut que les aînés sentent ce besoin d'intégrer et d'éduquer cette jeunesse affiliée à leur parti politique. Ça, c'est d'un côté. Mais il faut que cette jeunesse elle-même se libère de cette emprise de ses aînés pour pouvoir militer ouvertement et pleinement et pouvoir parfois bousculer. C'est pas facile. Il faut bousculer ces vieux loups de la politique. Il faut oser le faire à ses risques, bien sûr. Mais parfois, ça paye. Donc, lorsque les aînés voient qu'ils risquent de perdre ou bien la jeunesse... Ils sont avertis du danger de ce combat. Bon, voilà, comme ils sont avertis, ils le feront. Mais ils ne courront pas ce risque parce qu'ils savent que c'est dangereux. Mais il y a un côté positif. Lorsque la jeunesse au sein d'un parti politique est bien coalisée, est bien forte, et qu'elle affronte cette bataille de bousculer les aînés politiques, ces derniers sentent le danger de perdre cette jeunesse une fois qu'elle n'est pas écoutée. Donc parfois, ils font une petite ouverture, une brèche, qui profite à cette jeunesse qui essaye de lutter. Donc c'est important de s'imposer. Il ne faut pas toujours penser que les aînés politiques sont là pour vous parrainer et vous donner quelque chose. Ce n'est pas le cas au sein des partis politiques. De Gracia, à ce niveau d'Amizero, est-ce que vous pensez que le schéma doit être ainsi, que c'est aux jeunes d'abord de prendre ses responsabilités, de bousculer les aînés pour que vous puissiez avoir votre place? Oui, j'ai dit que bon, enfin, au niveau de la législation, nous allons continuer à plaider pour que les choses changent. Bon, si je reviens aux obstacles, à cette faible participation, je peux parler de l'égoïsme des pères, comme le politologue ici l'a déjà dit, de nos adultes. Évidemment, mais ça risque de devenir une fatalité pour les jeunes. Parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous sentez que vous avez des grands défis pour justement bouleverser la vapeur? C'est effectivement un défi important qu'il faut, coûte que coûte, relever. Donc, lorsque jeunes essaient d'émerger, il y a des prétextes que ses pères avancent, et notamment celui-ci veut occuper notre place et j'en pense. C'est encore tôt peut-être. Il y a moyen de corriger le tir. Bon, oui, c'est ce fait de corriger peut devenir donc provenir de deux côtés. Nos pères, de nos pères, ils peuvent dégager ou élaborer une politique qui est favorable à la jeunesse, afin de participer massivement à la politique. Ou bien, la responsabilité revient aussi aux jeunes. Il faut militer pour bouleverser les tendances. Il y a une autre chose qui est très importante. Bon, enfin, lorsque je parle de filles, quelquefois, on oublie de parler de la fille. Mais la fille, c'est aussi une jeunesse. Ça fait partie d'un jeune qui doit, coûte que coûte, participer à la politique. Or, selon la tradition burundaise, on dit qu'une fille va s'occuper des travaux ménagers. Et bon, certains, peut-être par abus de langage, ils disent que lorsque la fille est à la maison, c'est la sécurité au foyer. Alors, dans ces conditions, la fille a la difficulté de concilier les horaires et l'exigence liée à l'engagement politique avec les obligations familiales. Tout ça, il faut continuer à y travailler pour que les choses échange. Je passe la parole à Aline Elina Hazwe. C'est une femme, c'est une demoiselle. Est-ce que pensez-vous que finalement la discrimination de la fille burundaise, de la femme burundaise touche également sa participation au niveau des partis politiques, surtout pour jouer pleinement son rôle? Oui, merci pour la question. Normalement, quand on regarde déjà avec la culture burundaise, parce que la femme est toujours derrière, la fille est toujours derrière, comme il vient de le dire, il est là pour faire les travaux ménagers, alors qu'elle aussi, elle est capable. Elle aussi, elle peut faire de grandes choses dans le pays. Le problème, peut-être, c'est avec l'opportunité, l'équité sur concernant du côté des opportunités, parce que quand on regarde, la fille n'a pas la même chance d'aller à l'école comme le garçon. On peut le voir même dans la culture burundaise, avant même que la fille n'avait pas droit d'aller à l'école, parce que même les parents disaient cette fille n'est pas la nôtre, bientôt elle va aller se marier, alors comment est-ce qu'on peut investir dans cette fille? Mais je crois que on peut changer, parce que le monde évolue, on doit aussi évoluer. La fille burundaise aussi doit savoir que elle aussi elle est capable, une fois éduquée, une fois s'il a elle arrive arrivent à avoir une bonne éducation, ils peuvent faire des grandes choses, même ils peuvent même faire plus que ce que le jeune garçon peut faire. C'est-à-dire, je crois bien que le problème, c'est lié au manque d'opportunités, l'équité sur les opportunités qui se présentent. Parce que même pour participer dans les instances de prise de décision, il faut au moins avoir une éducation et savoir que tu es capable. Parce que le problème, c'est déjà parce que donc cette éducation, l'éducation en faible niveau d'éducation, avec ça, la fille commence à voir qu'elle n'est pas capable. Alors que si une fois éduquée, elle peut même faire de grandes choses. Il y a un autre aspect, monsieur l'ambassadeur Denis, qui s'ajoute déjà une proportion de la jeunesse burundaise qui semble être à la traîne, la jeune burundaise. Ah bah oui, et... Il ne pouvait en être autrement, parce que d'une manière générale, la jeunesse n'a pas de place convenable au sein des partis politiques. Et à plus forte raison, la jeunesse, fille. La fille, la femme. Mm-hmm. Alors là, il y a encore les préjugés qui sont liés aux mentalités burundaises, selon lesquelles il n'y a pas de politique pour la femme. Je discutais parfois avec certaines femmes politiques qui me disaient que lorsqu'on voit une femme qui s'adonne à l'activité politique, il y a un côté péjoratif, un sens négatif qu'on lui colle. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'une d'honnête, c'est quelqu'une qui utilise d'autres moyens pour pouvoir arracher les places qu'elle occupe, etc., etc. Donc, tout cela pourrait être combattu une fois que cette jeunesse unie se mette ensemble et essaye de bousculer cette hiérarchie des aînés. Pour compléter Deo Gracias, par exemple, s'il y a un jeune qui milite ouvertement et qui émerge, on ne dira pas comme il a dit qu'il veut occuper. Les aînés ne vont pas dire qu'il veut occuper leur place. Non, ils le diront autrement. Ils diront qu'ils ne respectent pas les instances établies. Et par conséquent, il encourt des sanctions, dont l'exclusion même. Et ça se vit souvent dans les partis politiques. Alors, la jeune femme burundaise, au niveau politique, et elle est encore, elle vit doublement un obstacle pour pouvoir se libérer et s'adonner à l'activité politique. Il y a ce statut d'un jeune incompris dans sa vie politique lorsque un jeune milite et que finalement il n'obtient rien. Et que finalement, comme l'a dit mademoiselle Aline dans leur réseau Réja, on leur montre que finalement, les défis restent les mêmes et qu'il faut s'associer toujours avec d'autres jeunes, même en dehors du cadre politique, en dehors des partis politiques. Et finalement, est-ce que ça ne risque pas de décourager les jeunes exactement pour s'investir en politique? Exactement, c'est la conséquence grave et dangereuse pour notre jeunesse. C'est-à-dire que non seulement à part cette déception de n'avoir rien obtenu comme poste, alors que certains aînés peuvent en avoir, alors qu'ils ne méritent pas beaucoup plus que cette jeunesse. Mais il y a aussi le fait que les aînés politiques instrumentalisent la jeunesse. Alors, il y a un dégoût politique qui s'installe au sein de la jeunesse, qui, selon lequel, le dégoût politique est selon lequel, prendre part au sein des partis politiques, c'est vraiment devenir... C'est se mettre au service des aînés politiques qui instrumentalisent la jeunesse pour de mauvaises activités. Ça, c'est très dangereux. Il faut donc stopper cela. Il faut que la jeunesse perçoive positivement le fait de s'affilier au parti politique, parce que si elle ne s'affilie pas au parti politique, si elle ne développe pas sa militance politique au sein des partis politiques, elle va s'éloigner de la politique, et en s'éloignant de la politique, les aînés politiques vont continuer à décider à sa place, et cette jeunesse se retrouvera beaucoup plus délaissée à elle-même par rapport à ce qu'elle vivait lorsqu'elle est tentée de militer, de bousculer les aînés politiques. Donc il faut que les jeunes actuellement cessent de percevoir l'appartenance à un parti politique comme étant une activité malsaine. C'est une activité noble, parce que faire de la politique, c'est noble, c'est pas mauvais. Mais être exploité dans de mauvaises choses, c'est là où ça devient malsain. Je passe la parole à Aline Nina Haze, parce que c'est vraiment un débat par rapport à cette orientation du jeune. Investir en politique en tant que jeune, c'est un investissement à haut risque. Normalement, la jeunesse a le droit de s'investir et dans, et dans la politique et dans le développement, parce que c'est son droit. Et aussi, par exemple, peut-être que tout le monde ne peut pas s'investir dans la politique, mais tous sont là pour se compléter. Donc, tout c'est complémentaire. Je dirais bien, si les jeunes, il y a les jeunes qui s'investissent dans la politique, s'ils arrivent à avoir ces places de, ils arrivent à occuper les places où ils ont les pouvoirs de décision, ça sera une très bonne chose, parce que c'est ceux qui sont dans la politique, ils peuvent plaider pour les autres, parce que ceux dans la politique, normalement, ils sont là pour représenter les autres jeunes. Et aussi les jeunes donc qui s'investissent dans les associations, c'est aussi une très bonne chose, parce que au final, tout ce qu'on fait, c'est pour notre, c'est le développement de notre pays. Un jeune qui se dit moi je peux pas m'intéresser à la politique, c'est aussi dangereux, parce que aussi parce que là il y a les politiques, il y a l'adoption des politiques, il y a l'élaboration des programmes, des stratégies pour le développement du pays. Normalement, ils devraient s'investir dans la politique et aussi essayer de collecter les informations des autres jeunes pour que les besoins spécifiques des jeunes soient aussi pris en considération lors de l'élaboration des programmes et des stratégies nationaux et au niveau du gouvernement et au niveau des partis politiques, parce qu'ils sont là pour représenter les autres jeunes. Et les jeunes aussi qui s'investissent dans les associations, c'est vraiment une très bonne chose, parce qu'au final, c'est le développement de notre pays. Parce que si tout le monde fait bien ce qu'il a à faire, s'il fait bien son rôle, le pays sera développé, et c'est ce qu'on veut. Merci. Mais certains avancent que si on est à l'aise financièrement, si on a un travail, on peut mieux pratiquer ou faire la politique. Et finalement, les jeunes, la plupart, ils sont au chômage. Est-ce que déjà ce problème d'être embarqué par les aînés ne se manifeste à ce niveau du fait que la plupart des jeunes ne sont pas à l'aise financièrement et qu'ils peuvent être facilement influencés? Je crois que le problème déjà, ça, c'est au niveau de la place des jeunes et du rôle de jeunes dans les partis politiques. Parce que si les jeunes déjà n'ont pas la place suffisante pour représenter les autres jeunes, comment alors les questions spécifiques aux jeunes seront-ils traités? Parce qu'il n'y a pas la représentation des jeunes qui vont plaider pour que leurs questions soient bien traitées. Dans ce cas, c'est pour cela qu'on observe le chômage. Et si tu n'as pas quoi soumettre sous la dent, c'est un problème. Tu dois chercher, tu dois voir comment les autres jeunes s'organisent. C'est pour cela que c'est aussi une chose, je dirais bien... qui est très appréciable de essayer de s'associer avec les autres jeunes, c'est aussi une très bonne chose. Mais quand même, on regarde, mais quand même, on constate que les questions des jeunes, les besoins spécifiques des jeunes ne sont pas traités, je dirais bien. Mais au niveau du RIJA, on essaie de rassembler les jeunes et de leur montrer que on est là pour développer notre pays. Il faut essayer de chercher, je dirais bien, les stratégies, créer des activités génératrices de revenus. Parce que normalement, le problème que nous avons, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Alors comment occuper la jeunesse? C'est pour cela qu'on leur dit d'aller dans les groupements de solidarité où ils font des activités d'épargne et de crédit. Et les jeunes qui s'investissent dans tout ça, on voit que vraiment, il y a des améliorations par rapport, parce qu'ils arrivent à créer des activités génératrices de revenus, à financer leurs études, je dirais bien même à contribuer dans leur famille et aussi à donner de l'assistance financière dans leur propre famille. Et aussi, on voit bien qu'il y a des acteurs des changements dans ces groupements de solidarité, parce qu'on leur donne des formations sur le leadership, sur la résolution pacifique de conflits, sur la communication non violente. Là, on peut voir que les jeunes étant dans les groupements de solidarité, ils sont unis et aussi ils regardent devant, ayant le même but, le développement de notre pays. L'émission, c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattons autour de la place et le rôle des jeunes dans différents partis politiques au Burundi. Et nous sommes avec quatre invités. Eraste Nzosaba, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Deogracias Naumuremyi, jeune membre de la coalition Amizero. Aline Nahazwe, du réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement, Reja en sigle, et ambassadeur Denis Banchimiyoussa, doctorant en sciences politiques. Mosaïque. Eraste Nzosaba, on parle des problèmes de chômage pour les jeunes qui pourraient influencer à ce que les jeunes finalement soient soumis à la volonté de leurs aînés. À votre niveau, pensez-vous vraiment que c'est un problème qu'il faut d'abord relever en amont? Oui, bien sûr, le chômage, c'est le problème qu'il faut d'abord relever parce que, vous savez, avec le chômage, lorsqu'on n'a pas d'emploi, donc tu es soumis. C'est pourquoi l'important est de faire tout possible pour diminuer le chômage. Et de cela, c'est pourquoi, du côté du Conseil de la jeunesse, l'important, c'est d'encadrer la jeunesse à s'atteler aux travaux de développement d'abord. C'est aussi de faire tout possible. Donc, les former à ce qu'ils se mettent ensemble en association. Aussi même arriver à faire des coopératives. Donc, pour pallier à ce problème chômage. Donc, de l'autre côté, mais cela, comme vous savez ce qui est donc le passé de notre pays, il y a des jeunes qui se sont mal comportés, qui ont été manipulés. Alors que, d'une part, ce n'était pas non seulement le chômage, c'était aussi la soumission. Hein? Ils se sont soumis à leurs aînés. Donc, ce que nous disons, alors, c'est quoi? Du côté des jeunes affiliés aux partis politiques, l'important, c'est de voir qui sont ces jeunes. Parce que vous allez remarquer que ici au Burundi, je ne sais pas si même ailleurs c'est comme ça, la question jeunesse est complexe. Il est difficile de définir qui est jeune, qui est dans les instances, dans les instances du parti politique, qui sont ces jeunes. Est-ce que et qui représente voilà, vraiment surtout les intérêts des jeunes. Voilà, qui représente ces jeunes. Est-ce qu'ils sont des jeunes, par exemple? C'est pourquoi il est difficile de définir jeunes dans notre pays. Est-ce que jeune, c'est à 35 ans? Est-ce que dans les partis politiques, dans l'un des partis politiques ou dans l'autre, être jeune, c'est à quel âge? Par là, on doit alors faire quoi? On doit approcher les jeunes suivant les catégories différenciées. On doit d'abord demander dans un parti politique quelconque, est-ce que vous êtes satisfait d'un autre? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Parce que vous avez remarqué que l'âge dans ces partis politiques n'est pas le même que dans d'autres partis politiques et dans d'autres partis politiques. Il faut une harmonisation sur le concept voilà, de notion d'âge voilà, par rapport... Voilà, de notion d'âge et de notion, ah oui, bien sûr, et de notion de gouvernance et de notion d'occupation de ces postes qui sont habilités à occuper de telles places. Est-ce qu'un jeune de 35 ans, de moins 35 ans, comment? Dans un parti politique, un jeune de 40 ans, est-ce qu'il est jeune? C'est pourquoi, à partir de cela, c'est pourquoi nous disons qu'il est même difficile de dire que les jeunes ne sont pas représentés dans les sphères de prise de décision dans notre pays. Parce que si, par exemple, M. Deogracias a été nommé ministre ou DG quelque part, c'est qu'il représente qui? La jeunesse. Il est question alors de voir à l'apparence, est-ce qu'il est jeune? On représente les intérêts des jeunes parce qu'on est dans cette catégorie où c'est une question d'engagement par rapport à la position que vous prenez. Parce qu'un jeune peut ne pas être préoccupé par des questions des jeunes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est complexe parce que si l'aîné représente les intérêts des jeunes, alors qu'il y a un jeune qui devrait lui-même s'occuper de ses intérêts, prendre le devant, donc... Où est-ce que nous allons arriver? C'est-à-dire que tous ces aînés-là, ils représentent les intérêts des jeunes. À ce moment-là, on ne travaille pas avec les jeunes, on travaille pour les jeunes. On ne travaille pas avec les jeunes, mais pour les jeunes. Ouais. Deogracias, c'est à moi à dire par rapport à votre... Effectivement, je voudrais faire une réaction par rapport au propos de M. Eraste. Oui, effectivement, j'ai dépassé la tranche de la catégorie jeune. Mais il ne vous a pas cité. Non, je n'ai pas cité. Je m'exprime. C'est un exemple qu'il donne. Il commence par lui-même. Ah ouais. Oui, cela, j'en suis conscient. Mais cela ne veut pas dire que, bon, je ne peux pas défendre les intérêts de la jeunesse, tout comme je peux défendre les intérêts d'autrui. Ça, c'est clair. De ceux qui ne sont pas jeunes. Oui, oui, oui. Il faut pas discriminer. Hein. La limite d'âge et les tranches d'âge, il faut relativiser. Oui, bon, enfin... par rapport au statut de notre mouvement, un jeune se limite à 35 ans. Mais pour des questions qui ont secoué notre formation politique depuis 2010, on a dû changer de stratégie. Voilà, c'est pour des raisons stratégiques que je représente la jeune de notre tendance politique. Bon, je continue. Je voudrais dire donc une autre chose par rapport à la nécessité de la participation des jeunes à la politique. Pour moi, je ne vais pas m'écarter des idées nobles de mes confrères, puisque la politique, selon certains auteurs, est l'art de gérer la cité. Or, le jeune doit participer à cette gestion. Deuxièmement, nous avons des textes, tant internationaux que régionaux, qui lui accordent le plein droit à la jeunesse ou aux jeunes de participer à toute activité politique. Voilà, merci. Maintenant, finalement, ce n'est pas des problèmes d'ordre légal ou d'ordre structurel, c'est finalement un problème au niveau pratique quand il faut faire participer un jeu. Ambassadeur Denis Machimiou. En m'invitant et en me disant qu'on va discuter de la place et du rôle de la jeunesse affiliée aux partis politiques, je m'étais fait une idée que je vais rencontrer sur le plateau, autour du plateau. Les gens de 25, 26 ans. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Donc, la question n'est pas d'âge. Si on parle de jeunes, la question ne va pas se limiter au niveau du nombre d'années à la disposition de l'individu. C'est plutôt cette conception. Du moment que l'individu lui-même se sent encore jeune ou se sent dans cette catégorie de jeunesse, il y l'est. Sinon, comme c'est déjà relatif, on ne se retrouverait pas. Alors, non plus, on ne va pas dire que les aînés politiques sont là pour servir la jeunesse. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi cette jeunesse elle-même ne serait-elle pas investie pour servir ses propres intérêts? Pourquoi d'abord attendre que ce soit les aînés politiques qui viennent servir pour ses intérêts? Pour encore une fois rebondir à la question que tu avais posée en rapport avec, par exemple, le chômage. Justement, parce qu'on a une confusion que faire la politique, c'est absolument avoir un poste dans la gestion de la chose publique et que finalement, on pratique la politique comme un mode de vie plutôt que servir le peuple. Non. Normalement, déjà, prendre part ou adhérer dans un parti politique, c'est avoir l'idée d'aller partager les idées, l'idéologie de ce parti avec d'autres adhérents. Et faire avancer la société. Et faire avancer la société à travers un programme politique du parti. Autrement dit, que de penser individuel, il faut penser collectif. Et à travers le collectif, l'individu se retrouve. Et c'est là où j'appuie Mademoiselle Aline. Participer dans un parti politique et dans une organisation de la société civile, ce n'est pas incompatible. C'est plutôt complémentaire. Même dans d'autres pays, c'est la même chose. On peut être dans un parti politique et être dans une autre organisation qui milite pour la défense d'une cause spécifique. Parce que les partis politiques militent pour l'intérêt général, alors que dans une organisation de la société civile, il y a une défense d'une cause spécifique. Mais ce n'est pas incompatible. Et puis, en parlant du développement, dans d'autres pays, les gens essayent d'avoir d'abord un niveau économique rassurant pour pouvoir faire de la politique. Mais ici, chez nous... Et en Afrique en général. En Afrique en général. On essaye de courir derrière la politique pour pouvoir se faire une situation économique. Et là, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué, mais on peut débloquer. C'est-à-dire en jouant collectif et non pas en jouant individuel. Mais qu'est-ce qui manque, justement? Ce qui manque, c'est que souvent, nos aînés jouent individuels. C'est-à-dire, ils se regardent d'abord avant de penser aux autres. Aline, vous avez réclamé la parole. J'aimerais réagir parce qu'ils ont dit que les aînés politiques vont servir les jeunes. En avril 2007, par la voix du président du Conseil des Nations Unies des Jeunes, les jeunes ont déclaré « Ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous ». Alors, comment est-ce que les aînés peuvent résoudre les problèmes des jeunes tant qu'ils ne sont pas jeunes, tant qu'ils ne... Ils n'ont pas cette opportunité de rencontrer les jeunes plus que les jeunes. Parce que les jeunes, ils se rencontrent souvent, je dirais bien dans des activités, ils se rencontrent même dans le quartier. Tu peux même entendre un autre jeune se lamenter. Mais comment est-ce que, alors, quelqu'un qui est plus âgé peut traiter les questions des jeunes alors que les jeunes sont là? Alors, cette personne qui est plus âgée, parfois quand on rencontre les gens, je dirais bien qui ont l'âge, donc qui ont l'âge, c'est-à-dire les gens qui sont plus âgés, parfois ils sont là pour nous donner des conseils. Ils ne sont pas là parfois pour nous écouter. Mais quand même, entre jeunes et jeunes, on peut parler et on peut essayer de résoudre les problèmes. Alors, je dirais bien, les aînés, oui, ils sont là par expérience. Ils nous aident à donner, je dirais bien, l'ordre des choses. Mais je crois aussi que les jeunes sont capables et les jeunes peuvent faire de grandes choses, c'est-à-dire que vraiment l'idée de où on dit que les aînés politiques vont servir les jeunes, je ne crois pas que ça va, je dirais bien les besoins et les questions spécifiques des jeunes seront toutes traitées. Merci. Tant que vous avez la parole, justement, nous sommes vers la fin de cette émission. Que faire pour que, justement, les jeunes puissent avoir une place et jouer un rôle de choix dans leur parti politique? Je crois que les jeunes sont vraiment capables de très bonnes choses. Ils peuvent travailler parce qu'ils sont dynamiques et ils ont la force. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est ils ont besoin d'un encadrement. Et ils ont besoin des formations pour que, oui, les jeunes sont capables, les jeunes ont de la force, mais parfois, ils s'investissent dans des activités, je dirais bien, qui ne sont pas louables. Dans ce cas, il faut les orienter, il faut les aider, il faut les... je dirais bien les encadrer pour qu'ils puissent bien voir comment les choses peuvent bien, les choses peuvent bien se passer pour le développement et pour la promotion de la prise, la promotion de la place de la jeunesse dans les instances de prise de décision. Merci. Deo gracias, Naumolemi, en tant que membre de la coalition Amizero Yabalundi. Que faire justement pour que les jeunes occupent leur place et jouent un rôle de choix dans votre parti et dans tous les partis en général? Oh, merci de la question. Je pense que il faut intégrer les jeunes de façon équitable dans les organes dirigeants. Du sommet à la base, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut établir les mêmes facilités par rapport à la participation politique, par rapport à la campagne électorale. Autre chose, il faut sensibiliser les jeunes en matière de participation aux partis politiques, et surtout les filles. Surtout les filles, j'insiste. Il faut aussi mettre en place des projets de développement qui vont épanouir les jeunes pour justement sortir de l'impasse financière et économique dans laquelle ils sont plongés pour le moment. Erraste, au niveau du Conseil national de la jeunesse du Burundi, pensez-vous vous engager à aider les jeunes à avoir une place de choix dans leur parti politique? Moi, je l'ai dit même avant parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsque on se sent jeune, on doit rester dans la catégorie de jeune. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que maintenant, dire que les jeunes ne sont pas représentés, c'est l'autre parce qu'il y a deux aînés qui se sentent jeunes et qui représentent les jeunes dans les partis, dans les sphères de prise de décision. Et pour vous, ça ne pose aucun problème. Je dis cela. Mais ce que je dis alors, c'est quoi? C'est de retourner en arrière quand même et voir quelles sont réellement les places des jeunes, les places des vrais jeunes pour arriver réellement à un développement durable. Quels sont réellement les vrais jeunes? Quelles sont les places de ces vrais jeunes? Autre chose, pour y arriver, les jeunes doivent se mettre ensemble. Parce que je vois qu'ils se comportent comme un combat. Il ne doit pas y avoir un combat parce que ce n'est pas une autre catégorie ethnique. ce sont les jeunes Burundais représentés dans toute sa diversité ethnique, tout consort. Pour cela, ils ont à faire quoi? Et les jeunes ont à travailler à ce qu'ils occupent les places qu'ils font. À cela, ils doivent militer bien sûr dans les partis politiques, mais ils ne doivent pas oublier à se mettre en association. Ils ne doivent pas oublier à travailler à ce qu'ils combattent contre le chômage. Parce que même militer dans un parti politique, sans rien, on n'arrivera nulle part. Il faut que les jeunes apprennent à travailler, à se mettre ensemble parce que l'union fait la force et à travailler à ce qu'ils arrivent à un développement durable. Donc, notre mission alors est d'encadrer cette catégorie jeune pour que nous arrivons à un développement souhaité de notre pays. Ambassadeur Denis Banchimiyoussa, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes pour qu'ils occupent leur place et jouent un rôle de façon stratégique dans les partis politiques? Tant qu'on parle de la place et du rôle de la jeunesse affiliée aux partis politiques, il faut que les jeunes membres des partis politiques se battent pour l'instauration de la démocratie en interne, c'est-à-dire au sein des partis politiques. C'est parce que les partis politiques actuellement, que ce soit au Burundi ou un peu en Afrique, ils sont gérés de manière autoritaire. Alors, il faut qu'ils se battent, il faut que les jeunes se battent pour qu'ils aient droit au chapitre, pour qu'ils aient la parole, pour que leurs propositions puissent être prises en compte. Et que pour que cela puisse se faire, il faut que les partis politiques soient gérés de manière démocratique, c'est-à-dire une manière qui accorde la parole, l'attention à tout le monde, membre de ce parti politique. Et ça, c'est un. Deuxièmement, parce qu'on parle des partis politiques, qui sont les viviers, qui sont les pépinières des gestionnaires du pays. Alors, comme le combat, c'est un combat politique et pas ethnique, comme le combat politique de la jeunesse est très difficile, nous l'avons dit, parce que la jeunesse va toujours se heurter au mur des aînés politiques, il faut dans l'entretemps faire comme on a fait pour d'autres minorités. C'est ce qu'on a fait pour les femmes. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour les toits. Alors, il faut que on pense peut-être, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, mais c'est une proposition. Il faut que l'on pense, par exemple, pour les cooptations, il faut réserver quelques places à la jeunesse, en attendant que ce vrai combat politique de la jeunesse aboutisse à se libérer de cette emprise des aînés politiques. Bon, ce ne sont que des propositions qui me viennent en tête, mais pour quand même essayer de donner la place à cette jeunesse affiliée aux partis politiques. Voilà, c'est sur ces conseils que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, on parlait, on discutait sur le rôle et la place que doivent occuper les jeunes dans les partis politiques. Nous étions avec quatre invités. Nous remercions M. Eraste Nzosaba, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci, je vous remercie. Nous disons également merci à Deogracias Nahumuremi, jeune membre de la coalition Amizero ya Burundi. Je vous en prie, merci. Nous disons également merci à Aline Nina Hazwe, membre du réseau des organisations des jeunes en action pour la paix et la réconciliation et le développement Réja. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci et merci de nous avoir invités. Nous remercions également ambassadeur Denis Banchimiyoussa, doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, c'était Francine Ndeokugayo, Albert Ndouayo assurait la mise en onde. Et cette émission a été réalisée en collaboration avec l'Association des femmes journalistes du Burundi AFJO, en partenariat avec l'ONG Cordaid. À vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isanganiro et dans l'émission Mosaïque, nous vous souhaitons de continuer de suivre nos programmes. Mosaïque.